Sixième chapitre. Laissez-moi vous faire part d'un cliché qui existe ici et qui a le don de m'énerver. Les Maoris viennent de la Malaisie. Sur les bateaux qui circulent dans l'océan Pacifique et à leur débarquement à Tahiti, les fonctionnaires toujours instruits vous disent « Monsieur, les Maoris sont d'exportation malaise ». Mais pourquoi, vous écriez-vous ? Il n'y a pas de pourquoi. C'est le cliché, vu, revu et corrigé par tous les photographes. N'essayez pas, vous, peintre, observateur, de vous rebiffer. On vous écrasera. Ou, si l'on ne connaît pas le cliché, l'un dira « ce sont des papous » et l'autre « ce sont des nègres ». À quelle époque a eu lieu le déluge ? Seule la Bible a osé l'affirmer. Des plus hautes montagnes, les eaux se sont retirées. Notre belle France est sortie de la mer. Les eaux de l'autre côté ont envahi l'Océanie. Qu'importe, seule la Malaisie a fourni des hommes. L'ancienne terre océanienne fabriquait des hommes, fi donc. À quelle époque les hommes ont-ils commencé à exister sur notre globe ? Qu'importe, puisque je vous dis que seule la Malaisie... À quelle époque la pensée dégagée de son animalité a-t-elle eu quelques éléments rudimentaires et par suite fait un commencement de langage dont les premiers sons rudes sortis du gosier ont fourni les premiers éléments ? Réflexion faisant, n'y aurait-il pas lieu de supposer que le premier mode de pensée ainsi que celui du langage ont été les mêmes, à peu près les mêmes ? Rien d'extraordinaire alors à ce que tous les serins sur cette terre chantent tous l'air des noces de Jeannette. Rien d'extraordinaire que même plus tard, beaucoup plus tard, on retrouve aussi bien en Malaisie qu'en Océanie et en Afrique, etc., les quelques mots génériques que, selon le gosier, l'être primitif a pu prononcer de même le mode de pensée. Ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il sent sont d'abord, avant tout et pour tout, ce que l'homme a dû penser, le désir de prendre ensuite avec sa désignation du « moi » et le moyen de prendre qui est la main. De là ce mot « rima » ou « lima » qui veut dire « main » et qu'on retrouve dans presque toutes les langues, en Malaisie comme partout ailleurs, plus ou moins transformé comme prononciation. Le mot « rama » en latin n'y ressemble-t-il pas ? De même pour le chiffre 5 qui représente une main et 10 deux mains. De tout temps connu, les sauvages se sont servis de la brasse comme mesure, du pied aussi. Comme dans la lettre volée d'Edgar Poe, notre esprit moderne ne peut voir ce qui est trop simple et trop visible, perdu dans les détails d'analyse. Comme dans la Bible, l'esprit des hommes monte en haut et l'esprit des hommes descend en bas. Nous ne saurions voir si bas et, malgré toutes nos recherches, nous n'arrivons pas à percevoir le mode de pensée des animaux quand, hirondelles par exemple, elles arrivent à revenir à leur endroit de naissance. Soit avec la voix, soit avec leur queue, les chiens expriment leurs sentiments. Nous nous en tirons, il est vrai, avec un cliché qui est l'instinct. Cette question de langue a été une des grandes causes qui ont fait adopter ce cliché, Malaisie Maori. Vaut mieux ne pas savoir que de savoir à tort. Et j'affirmerai que pour moi, les Maoris ne sont pas des Malais, des Papous ou des Nègres. Quand vous arrivez aux Marquises, vous vous dites, voyant ces tatouages qui couvrent tel le corps et la figure tout entière, ce sont de terribles gaillards. Et puis, ils ont été anthropophages. On se méprend complètement. L'indigène marquisien n'est point un gaillard terrible, c'est même au contraire un homme intelligent et tout à fait incapable de ruminer une méchanceté. D'où à en être bête et timoré envers tout ce qui commande. On dit qu'il a été anthropophage et l'on se figure que c'est fini, c'est une erreur. Il l'est toujours, sans férocité. Il aime la chair humaine comme un russe aime le caviar, comme un cosaque aime la chandelle. Demandez à un vieillard endormi s'il aime la chair humaine, et réveillez cette fois l'œil brillant, il vous répond avec une douceur infinie, « Oh, que c'est bon !» Naturellement, il y a quelques exceptions, mais tellement exceptionnelles qu'elles inspirent à tous les autres une grande terreur. À propos du vieux père Oran qui est mort, il y a fort peu de temps, je me suis laissé raconter une histoire qui va peut-être vous intéresser. Le missionnaire père Oran, jeune alors, s'en allait gaillardement sur le sentier vers un district où il avait affaire. Il fut suivi par quelques mauvais diables, les exceptions dont je viens de parler, qui décrétèrent que le missionnaire était tout à fait à point pour être mangé. Et ils se préparaient à exécuter leur dessein lorsque le père Oran, qui avait l'oreille fine, se retourna subitement et, avec beaucoup de sang-froid, leur demanda ce qu'ils désiraient. L'un d'eux, intimidé comme tous, demanda s'il avait des allumettes pour allumer sa pipe. Le missionnaire sortit de sa poche une grosse lentille et, avec le bord de sa soutane, il fit du feu. Étonnés de la puissance du blanc, ils s'inclinèrent respectueusement, mais la lentille devint la propriété de l'indigène. Une autre histoire, celle-là beaucoup plus récente. Un jeune homme américain, séduit par les femmes probablement, débarqua de son navire et resta aux Marquises. Il était installé dans un district de Hivatroa et, forcé par la nécessité, essayait de faire un peu de commerce pour le compte des autres. Il eut un jour la malheureuse idée de revenir d'Atuana avec un sac de piastres visiblement attaché sur le pommeau de la selle. La nuit était proche. Il disparut. Les soupçons se portèrent immédiatement sur un Chinois et, comme en toute chose le gendarme est un malin, il dit « C'est lui ». Et cela suffit. Ce n'est que 3 mois après, c'est-à-dire 3 courriers, que la justice revint à Papeete avec le Chinois et quelques témoins. Naturellement, le Chinois fut acquitté d'emblée. Ce mot « naturellement » demande une explication. C'est d'ailleurs la règle aux Marquises quand il s'agit d'un crime. Le gendarme fait son instruction, la tête creuse et toujours à côté, quels que soient les avertissements des hommes intelligents d'alentour. Le juge d'instruction arrive longtemps après et son opinion devient aussitôt semblable à celle du gendarme. D'ailleurs, la mesure n'est pas commode aux Marquises. Les indigènes ont pour règle de baser leur conduite sur la terreur que leur inspirent les méchants. Un seul qui ne se conformerait pas à la règle serait aussitôt condamné à mourir. Le crime commis, tout le monde le sait. Mais devant la justice, personne ne sait rien. Les témoins embrouillent la question, leur langue toujours mal interprétée leur en donne toutes les facilités. Puis ils cèdent avec une remarquable intelligence et un sang-froid imperturbable arranger toutes les contradictions. « Mais pourquoi as-tu dit une chose tout à l'heure et maintenant juste le contraire ?»« C'est que la justice me fait peur et quand j'ai peur, je ne sais ce que je dis. » Ils sont deux, ils s'accusent réciproquement et chacun de répondre invariablement « J'accuse mon voisin parce que sinon le juge dira que c'est moi ». Je me souviens de cette naïveté d'un président du tribunal à Papeete. Interprète, dites à cet homme qu'à toutes mes questions il répond très intelligemment. C'est donc qu'il a songé à toutes mes questions avant de les avoir entendues. R. Cet homme dit qu'il ne comprend pas pourquoi on lui demande cela et qu'il répond comme il peut. Pour en revenir à notre Chinois, il était clair, pour quiconque réfléchit et connaît les habitudes des indigènes, que ce Chinois ne pouvait commettre son crime seul et surtout faire disparaître le cadavre malgré la proximité de la mer. Un Chinois est trop intelligent pour cela, car il sait, Dieu Maori préside peut-être à tout ce qui se passe, que rien ne peut être fait sans que les indigènes le sachent et que par suite il serait immédiatement dénoncé, lui, étranger. Il était donc clair que ce Chinois avait des complices, d'autant plus que l'amant d'une de ses filles était connu parmi les exceptions méchantes et criminelles. Mais le brigadier de gendarmerie ne voulut rien écouter. Voici ce qui s'était passé, et d'après tous les renseignements qu'on m'a fournis, à moi comme à tout le monde, tous disent la même chose, sauf une. L'heure et l'endroit où le crime a été commis. Il y a différentes versions à ce sujet, mais je soupçonne que ce sont des contradictions volontaires. Aussitôt son arrivée dans le district près de sa case, le fameux sac de piastres fut aperçu et notre jeune Américain vigoureux et résolu, confiant comme en général la jeunesse, ne prit garde de le cacher. Notre jeune Américain aurait été tué par un vigoureux coup de bâton sur le cou, tout comme le ferait une guillotine. Ils étaient deux, le Chinois et son gendre. Ceux-ci se seraient battus pour le partage des piastres. Puis, après, le gendre et deux autres indigènes se seraient livrés à leur gloutonnerie. L'Américain fut mangé. Je passe bien des détails qui ne sont pas intéressants pour l'importance de ce récit. Ici, le lecteur va me poser une question à laquelle je vais répondre immédiatement. D. Pourquoi, maintenant que tous ces faits sont connus, ne pas revenir à la charge en ce qui concerne tous les complices ? R. Parce qu'immédiatement le silence se ferait et que tous ces racontars affirmés deviendraient de la fable inventée pour s'amuser du crédule européen. La langue indigène marquisienne est très peu riche, on le sait. Par suite, l'indigène s'exerce à manier habilement la périphrase. Ainsi, par exemple, les gendarmes se présentent en quête de renseignements et très ostensiblement on continue à causer sans aucune gêne. Lundi, je crois que la lune sera très claire et que par suite on ne prendra pas du poisson. Cela veut dire, prenons garde et faisons l'obscurité, il faut se défier de la clarté de la lune. Les Européens n'y voient que du feu et verraient-ils que ce serait de l'incertitude. En Océanie, une femme dit « Je ne peux savoir si je l'aime puisque je n'ai pas encore couché avec lui. La possession vaut titre. » En Europe, la femme dit « Je l'aimais. Depuis que j'ai couché avec lui, je ne l'aime plus. » Une autre encore dit « Je ne l'aime que quand il est là. » Même 10 minutes avant le mariage, une femme ne sait se donner. Vous pouvez être sûr qu'elle se vend, mais elle n'a pas confiance. C'est alors à votre tour de ne plus avoir confiance. Une femme riche se fait faire un enfant par son domestique, encore un qui abandonne son enfant, pauvre femme, tant que ça, et le domestique dit qu'il a été abandonné. Une femme un peu folle dit qu'elle ne veut pas se marier, désirant avoir un enfant pour elle seule, égoïsme d'amour maternel. C'est très facile de dire « ceci est à moi, mais qu'il en coûte de dire « c'est à vous ». D. Comment ? Vous avez vu quelqu'un se noyer et vous ne lui avez pas porté secours ? R. Mais il ne me l'a pas demandé. Les maximes, ce n'est pas pratique. C'est fait pour jaser et faire dire « tiens, voilà un philosophe ». Savoir donner, c'est très bien. Savoir recevoir, c'est encore mieux. Ah, la vanité de l'argent. Avoir de la volonté, c'est vouloir en avoir. On dit « le fils à papa ». Les enfants ne sont pas responsables des fautes de leur père. « J'ai pas le sou, c'est la faute à mon père ». Et la chanson dit « si mon père est cocu, c'est que ma mère l'a bien voulu ». Il y a de ces dit-ons de morale qui évitent d'en avoir. Laissez-moi vous raconter un instant quelque chose de Bretagne. D'Océanie en Bretagne, il n'y a pas loin quand on est tranquille, la plume à la main. Imagination qui vagabonde, pourquoi pas, du reste rien n'arrive par hasard. Un journal que je parcours me signale qu'il y a certains hommes avec des roulettes qui viennent de découvrir la vraie République patriotique. Parmi ceux-là, un certain nom qui me rappelle un triste personnage que nous avons connu à Pont-Aven, c'est d'ailleurs celui-là même, Marcel H. Très distingué, le monsieur, qu'en tapant sur les épaules de sa femme, il nous disait « Voilà de la belle viande !» C'était en effet de la viande, rien que de la viande. Et son petit œil de porc humain ajoutait « Cette viande est à moi, moi seul !» Pendant la première semaine, il allait régulièrement au-devant du coche qui faisait le courrier et demandait « Y a-t-il un colis pour moi ?» Nous étions très intrigués et nous nous demandions « Quel peut être ce colis ?» Le fameux colis arriva. Dès le lendemain, on put voir notre Marcel H. installé dans la rivière qui coudoie la propriété du meunier David, une grande toile devant lui sur le chevalet et plus loin sur un superbe caillou le fameux colis, un grand signe empaillé. Le monsieur faisait son tableau pour le salon prochain, une Léda. La belle viande qu'on connaît, mais sans tête, peinte à Paris, il ne restait plus qu'à peindre le cygne. Assise à côté de lui, mais avec tête et vêtements, la belle viande tricotait une paire de bas. « Pour le blanc de cygne, disait-il, je n'emploie que le blanc de zinc, et pour la belle viande, j'emploie la laque bitume. » À la table d'hôte, s'adressant à son voisin, un peintre impressionniste, il disait « Manet, voyez-vous, fait tous les jours une pochade, et quand il en trouve une qui lui convient, il l'envoie au salon, et puis c'est fait de chic. » Quand le mois de septembre arrivait, il disait « Je suis obligé de rentrer à Paris, car c'est l'époque où arrive mon marchand qui fait l'exportation de tableaux pour les îles du guano. » Croquis japonais, estampes d'okuzai, lithographies de daumier, cruelles observations de forains, groupées en un album, non par hasard, de par ma bonne volonté tout à fait intentionnée. J'y joins une photographie d'une peinture de Giotto. Parce que d'apparence différente, je veux en démontrer les liens de parenté. Les conventions imposées par les critiques, ceux qui classent, ou par la foule ignorante classerait ces différentes manifestations d'art parmi les caricatures ou les choses d'art léger. Les artistes ne font pas de caricatures. Suivant le bœuf gras, un mousquetaire reste un chien-lit. Voltaire a écrit Candide, Daumier a modelé Robert Macaire. Dans Sagesse, Gaspard ne me fait pas rire. Louis Veuillot méprise, Forain aussi. Chez ce guerrier, l'okuzai, Saint-Michel de Raphaël se japonise, de lui encore un dessin. Michel-Ange se devine, Michel-Ange le grand caricaturiste, lui et Rembrandt se donnent la main. Okuzai dessine franchement, dessiner franchement c'est ne pas mentir à soi-même. De cette petite exposition, Giotto est le morceau capital. La Magdalena et sa compagnie arrivent à Marseille dans une barque, si toutefois une section de Calebasse figure une barque. Les anges les précèdent, les ailes déployées. Aucune relation à établir entre ces personnages et la tour minuscule ou entre des hommes encore plus minuscules. D'apparence taillée dans du bois, ces personnages dans la barque sont immenses ou bien légers, puisque la barque ne sombre pas, tandis qu'au premier plan, une figure drapée, beaucoup plus petite, se tient invraisemblablement sur un rocher, on ne sait par quelle prodigieuse loi d'équilibre. Devant cette toile, j'ai vu lui, toujours lui, l'homme moderne qui résonne ses émotions comme les lois de la nature, sourire de ce sourire d'homme satisfait et me dire « Vous comprenez cela ?» Certainement, en ce tableau, les lois de beauté ne résident pas en des vérités de la nature. Cherchons ailleurs. Dans cette merveilleuse toile, on ne peut nier une immense fécondité de conception. Qu'importe si la conception est naturelle ou invraisemblable, j'y vois une tendresse, un amour tout à fait divin. Et je voudrais passer ma vie en si honnête compagnie. Giotto avait des enfants très laids. Quelqu'un lui ayant demandé pourquoi il faisait de si jolis visages dans ses tableaux et en nature de si vilains enfants, il répondit « Mes enfants, c'est le travail de nuit et mes tableaux, travail de jour. » Giotto connaissait-il les lois de perspective? Je ne veux pas le savoir. Ces procédés d'éclosion ne sont pas à nous, mais à lui. estimons-nous heureux de pouvoir jouir de ses œuvres. Avec les maîtres, je cause, leur exemple fortifie. En tentation de péché, je rougis devant eux. Trois caricaturistes, Garvani élégamment plaisante, Daumier sculpte l'ironie, Forain distille la vengeance. Trois genres d'amour, l'amour moral, l'amour physique, l'amour manuel, moralité, débauche, prudence. À un homme qui n'a pas réussi, on dit « vous vous êtes trompé ». À celui qui n'a pas gagné à la loterie, vous n'avez pas de chance. À 20 ans, deux choses sont bien difficiles à faire. Choisir une carrière, choisir une femme. Toutes les carrières sont bonnes, mais on ne peut pas dire « toutes les femmes sont bonnes ». Anomalie. De tous les animaux, l'homme est certainement celui qui a le moins de logique, celui qui sait le moins ce qu'il veut et aussi celui qui commet le plus d'extravagance. À quoi cela tient si ce n'est qu'il sait mieux raisonner? Cela donnerait beaucoup à réfléchir sur l'importance du raisonnement et de l'instruction. Sans être un buffon, on saurait cependant observer un tant soit peu. Tous les jours, à l'heure du repas, pas mal de chats s'invitent à ma table et je leur fais honneur régulièrement avec abondance de riz à la sauce. Tous sont à peu près sauvages. Ils veulent leur pitance, sans caresse, du regard seulement. Une chatte, cependant, la seule civilisée, à tel point que je ne saurais aller sur la route sans qu'elle suive à mes côtés, est féroce en tout point, égoïste, jalouse. La seule qui grogne en mangeant, et tous la craignent, même les mâles, à moins que pour l'un d'eux elle ait un caprice. Mais alors elle mord, elle griffe, et le mâle subit les coups, s'inclinant devant celle qui porte si bien les culottes. Tous les animaux savants deviennent stupides, sachant à peine trouver d'eux-mêmes leur nourriture, incapables de chercher les médicaments qui guérissent. Les chiens finissent par avoir de mauvaises digestions, font des incongruités, le sachant, mais ne se doutant pas qu'ils sentent mauvais. Les hommes ont à se plaindre et l'on décrète de faire une pétition. Le plus courageux rédige, mais quand il s'agit de trouver des signatures, les moineaux s'envolent. La foule est réunie, le plus imbécile de tous se mouche par trop extraordinairement, et la foule au même instant s'en invite aux signatures, tous sans hésiter se mettent en mouvement et assassinent. Les braves ont marché bravement devant la mitraille, puis un repos dans le camp. La sentinelle de garde se met à péter, criant « Les Prussiens !» Ces mêmes braves foutent le camp jusqu'à ce que l'aide de camp arrivant au galop leur crie « C'est rien, mes amis, c'est un fusil qui a permuté !» Je me trouvais en rade de Rio de Janeiro. J'étais pilotin, chaleur extrême. Tout le monde couchait sur le pont, qui derrière, qui devant. Le mousse endormi rêva trop brusquement. Brusquement aussi, il tomba dans l'eau. Un homme à la mer! Et tout le monde, réveillé, regardait imbécilement le mousse entraîné par le courant qui défilait le long du navire vers l'arrière. Un matelot nègre s'écria « Lui foutre, qu'est tonnerre, il va se noyer !» Sans raison, le Terre-Neuve se jeta à la mer et conduisit le petit mousse à l'échelle de l'arrière. Hier, c'était le congrès en faveur de la paix. On connaît le résultat. Que demain, 100 000 Français, animés d'un je ne sais quoi et entraînés par un imbécile quelconque qui ne serait pas Déroulède, refusent le service militaire et tout le monde suivra l'exemple. Deux locomobiles suivent le 0 degré de longitude, mais en sens inverse. Que va-t-il se passer? Et le choc sera-t-il terrible? Je ne le pense. Faute de charbon, elles ne se rencontreront pas. C'est cela, en ce moment. Les deux machines sont en route vers l'avenir. Roman de Zola. Faute d'argent, sans congrès, la guerre sera terminée. Ce sera la paix. À force de raisonner, les engins de guerre devenus beaucoup trop chers, le charbon manquera. Ce sera le moment de réunir de nouveaux congrès pour rétablir la guerre à bon marché. Que deviendront tous ces hommes de devoir pénétrer de l'honneur militaire? Que deviendront ces fameuses consciences élastiques, selon qu'elles sont juives ou chrétiennes? Que deviendront les panaches, les médailles? Que deviendront les fournitures de l'armée, toutes les retraites pâtées du fonctionnaire? Non, cela ne sera pas, car le monde qui raisonne se révoltera. Les mathématiques, c'est fatalement juste. Que serait-ce si ce n'était pas fatalement? Le colonel n'est pas de cet avis, car il dit que de sa maison à celle de son soldat, il y a beaucoup, beaucoup plus loin que de la maison de son soldat à la sienne. Quelqu'un parlant d'une réunion dit « Ils étaient là 20 imbéciles ». Un fumiste ajoute « Vous compris ?»« Oh non !» Sans nous comprendre, question de mathématiques, combien y avait-il d'imbéciles dans cette réunion? Je voudrais donc vous demander si, ayant appris le calcul, nous sommes si fatalement justes. Justes au pluriel n'aurait pas le même sens. D'ailleurs, je n'aime pas les jeux de mots ne sachant pas les faire. J'avais remarqué, sans toutefois bien m'expliquer la raison, qu'en général les ânes avaient beaucoup de succès près des femmes. Ce n'est que très longtemps après, je lus une traduction de la Lusiade et l'âne, et je compris alors les raisons sérieuses qui animent le beau sexe. Citons ce passage. C'était bien la peine de changer pour te réduire en ce point, et le beau profit pour moi d'avoir un pareil magot au lieu de ce tant plaisant et caressant animal. La Bible a raison. La chair est chair, l'esprit est esprit. C'est ce que le docteur Faust comprit un peu tard, disant « Fie donc l'esprit, et laissons là tous ces travaux inutiles. Monseigneur le diable, venez à mon aide. » Et le diable en fit un âne chargé de trésors, il est vrai. C'est que Faust voulait une pucelle. Or, les pucelles sont des âmes pures et ne changent pas facilement leurs trésors de candeur sans de vrais trésors. Très observateur, monseigneur le diable. Prenez garde aux âmes pures, et si vous faites quelqu'un cocu, ne surveillez pas le mari, mais votre escarcelle. Il s'agit de déboucher une bouteille qui fait son étroite. Sans y parvenir, chacun exerce ses forces, préparant la besogne. Le dernier, un malin sans effort, débouche la bouteille. Intentionnellement, plutôt par traîtrise que par instinct, par-ci par-là, je gauloise. C'est que je veux interdire la lecture de ce recueil aux bégueules. Ces insupportables bégueules qui ne savent s'habiller qu'avec une livrée. Tu comprends, mon ami, que je ne puisse aller avec ma femme légitime à tes réceptions où il y a ta maîtresse. Quand madame est là, c'est une femme honnête, puisque mariée. Personne ne grivoise. La soirée finie, tout le monde rentrait chez soi. Madame la femme honnête, qui a bâillé toute la soirée, cesse de bâiller et dit à son mari « Si nous disions des cochonneries avant d'en faire !» Et le mari de dire « Disons des cochonneries seulement, car ce soir j'ai trop mangé. » Une jeune femme célibataire qui a passé brillamment son doctorat en médecine n'ose être spécialiste pour les maladies secrètes, et dit en rougissant le machin. À propos du machin, aujourd'hui que c'est la mode d'envoyer les jeunes filles pures étudier la peinture dans les ateliers en même temps que les hommes, il est à remarquer que toutes ces vierges, dessinant le modèle mâle tout à fait nu, font avec beaucoup de soin le machin plus ressemblant que la figure. Sorties de l'atelier, ces jeunes vierges, étrangères pour la plupart, toujours respectables, l'œil pudique légèrement baissé, le regard entre les cils, vont se soulager à Lesbos. Curieuse anomalie. Je me souviens de l'une d'elles, très jolie écossaise. Elle venait manger à une petite crèmerie fréquentée par des artistes. Survint un beau jour une jeune belge très fadasse, dont le corset très plat semblait une cuirasse. Notre écossaise vint se placer à côté d'elle et, avec beaucoup de minauderie, l'interrogea sur son arrivée à Paris, sur ce qu'elle comptait faire, si l'on aurait le plaisir de la voir à l'atelier. Et l'œil très enflammé, les pommettes rosées, elle ajouta « Venez chez moi ». Sèchement, la belge cuirassée répondit « Je vous remercie ». Ce que la fameuse Mina en a rigolé. Le grand savant, le fameux misogyne, tremblait devant elle. Ce qu'il y a de misogynes qui sont misogynes pour trop aimer les femmes et trembler devant elles. Moi aussi j'aime les femmes, comme on sait, quand elles sont grosses et qu'elles sont vicieuses, mais je ne suis pas misogyne et je ne tremble pas devant elles. Je crains cependant, en pareil cas, de ne pas avoir un penny en poche, et que m'importe celle-là plus qu'une autre. Malheureusement, c'est moi et non les femmes qui dit il n'y a pas mèche. Tant que le cerveau reste fort, qu'importe le machin. Lettre de Paul-Louis Courier. Vous devriez songer, madame, à ce que je vous ai dit hier, et vous souvenir un peu de moi. Je veux que la chose en elle-même vous soit indifférente, mais le plaisir de faire plaisir, n'est-ce donc rien? Entre nous, allons, j'y consens. Cela ne vous fait ni chaud ni froid, ni bien ni mal, plaisir ni peine, belle raison pour dire non quand on vous en prie. Fi, n'avez-vous point de honte de vous faire demander deux fois des choses qui coûtent si peu, comme disait Gossin, et pour lesquelles, après tout, vous n'avez aucune répugnance? Une autre lettre, un passage seulement. Sans m'apercevoir, elle ouvrit, et moi, en deux pas et un saut, me voilà entrée avec elle. Grand débat, scène de théâtre, elle veut me chasser. Je reste, elle se désolait, je riais. Piose, prego, ma in vano ogni parola sparse. Salva pouvait venir, il venait même, c'était l'heure, le danger augmentait à chaque instant. Je lui dis, sans finesse et sans fleur de langage, le prix que je mettais à ma retraite. « Donc fa presto, » dit-elle. Je fis presto et je partis. J'en pourrais prendre désormais avec elle tant que j'en voudrais, car elle est à ma discrétion, ou bien lui faire quelque noirceur, et vous autres vaut rien, vous n'y manqueriez pas. Mais vous savez que je ne me pique pas de vous imiter. Je la vois, je lui parle tout comme auparavant, même ton, même manière, etc. Fi donc, monsieur Courrier, j'aime mieux l'autre lettre. Moi, si une femme me dit « fais vite » ou me demande 100 sous de plus, ça me la coupe. Catherine la Grande, Catherine de Russie, n'avait plus qu'un désir. Elle aurait voulu qu'un simple soldat, beau et fort, soit assez amoureux et hardi pour oser pénétrer dans son appartement et la violer. Ce que voyant l'amant, le grand favori, alla trouver le plus beau de l'armée et lui dit « Voici une petite clé qui t'ouvrira la porte de l'appartement de Catherine. Va et viole avec force et rudesse. Si tu le fais, tu seras récompensé. Si tu ne le fais pas, tu auras 100 coups de knout. » Catherine eut une jouissance extrême. Un beau jour, le favori avoua sa supercherie. Il fut tué, ordre de Catherine. Est-ce une anomalie, et le favori ne fut-il pas cruellement stupide? L'auteur ajoute à son récit une réflexion. Est-il vraiment permis d'appeler la grande une pareille femme? Stupide, l'auteur. Je te crois qu'elle était grande, à cause de cela même. Les Chinois, dans une redoute protégée par des grands bambous taillés en pointe. Les assaillants, un bataillon français, ne s'attendaient pas à pareille résistance, et ils furent obligés de reculer presque en panique. Seul le porte-drapeau piqua son drapeau en terre, et mourant de peur, se cacha parmi les bambous. Le bataillon reprit l'offensive, ce que voyant notre porte-drapeau toujours en tête, fit son arrivée dans la redoute. Ce que voyant aussi, le gouvernement lui donna la croix, la fameuse croix. Ce que voyant aussi, tous dirent, celui-là, c'était un brave. Aux Invalides, les vaincus, les drapeaux glorifient le vainqueur à la tête de bois. C'est drôle, sur ce bois les cheveux blanchissent. Glorification des morts, glorification des vivants. J'eus pour maître d'étude le père Baudouin, grenadier survivant de Waterloo. Il culottait admirablement les gens nicots. Au dortoir, la chemise levée, irrespectueusement, nous disions « Garde à vous, portez armes !» Et le vieux, la larme à l'œil, se souvenait du grand Napoléon. Le grand Napoléon savait les faire mourir, il sut aussi les faire vivre. Des soldats, disait le père Baudouin, il n'y en a plus. À l'étude, lui, c'était l'enfant, et nous, les hommes. Lundi, je serai Mirabeau, et ce fut Gambetta. Moi, jeudi, je serai Marat. Sait-on bien ce que l'on sera? À Taravas, le père Lucas dit à sa femme, « Lilia, sois aimable avec le gouverneur quand il arrivera, notre congé en dépend. » Et fièrement, le missionnaire ravi dit, « C'est nous qui avons marié le père Lucas, n'est pas Macro qui veut. » Cette phrase a été prononcée par Manet, à qui on reprochait d'avoir fait le portrait de Pertuiset. Dans toutes les branches, il y a des forts et des faibles. Depuis quelque temps, trois navires baleiniers naviguent dans nos eaux et la gendarmerie est sur les dents. Pourquoi tout ce brouhaha, ces sourdes colères? Des baleiniers, des baleiniers. Mais enfin, que veut dire tout cela? Les baleines sont-elles porte-malheur? Arrivent-elles avec le choléra ou bien encore la peste baleine qui dégénère en peste humaine? Toujours est-il que le gendarme me dit « Monsieur, les baleines, c'est la peste ». « Voyons voir, dit l'un, ou tâchons moyen de savoir, dirait l'autre, et l'un et l'autre racontent une histoire. Moi, je vais vous la raconter, l'histoire, mais la vraie. » Or, en ce temps qui est de tous les temps, les baleiniers ont pour habitude de ne pas emporter de monnaie, sachant très bien qu'en mer, la monnaie, ça ne se mange pas, et qu'à terre, il y a des philosophes qui méprisent le vil métal. C'est ainsi, imbus de ces fausses idées, qu'ils arrivèrent aux marquises, notamment à Tazata. Ils comptaient faire leurs provisions d'eau et échanger de la bimbeloterie et flanelle légère contre bananes, bestiaux et autres provisions de bouche. Que nenni ! Descendre à terre des marchandises qui n'ont pas payé l'octroi de mer. Mais les indigènes, contents de livrer des productions de la terre dont ils ne savent que faire contre des objets qui leur plaisent, se demandent vraiment si nous leur voulons du bien ou du mal. Mais trois ou quatre pelés et un tondu marchand de morue s'écrient que c'est de la concurrence déloyale. Somme toute, le gendarme est essoufflé et le navire nuitamment de gauche et de droite soulagé de ses marchandises. Bien approvisionné, il repart. L'île de Tazata se trouve enrichie de quelques produits européens. Où est le mal? Et pourquoi tous ces cris? Quand donc l'homme comprendra ce que humanité veut dire? Différents épisodes, maintes réflexions, certaines boutades arrivent en ce recueil, venant d'on ne sait où, convergent et s'éloignent. Jeux d'enfants, figures de kaléidoscope. Sérieux quelquefois, badin souvent au gré de la nature si frivole, l'homme traîne, dit-on, son double avec lui. On se souvient de son enfance. Se souvient-on de l'avenir? Mémoire d'avant. Peut-être mémoire d'après, je ne saurais préciser. Dire « il fera beau demain », n'est-ce pas ce souvenir d'auparavant? Expérience qui détermine une raison. Je me souviens d'avoir vécu, je me souviens aussi de ne pas avoir vécu. Pas plus tard que cette nuit, j'ai rêvé que j'étais mort, et chose curieuse, c'était le moment vrai où je vivais heureux. Rêver réveillé, c'est à peu près la même chose que rêver endormi. Le rêve endormi est souvent plus hardi, quelquefois un peu plus logique. Je veux en venir à ceci que je vous ai dit déjà. Ceci n'est pas un livre. Et puis aussi, je crois que vous tous, vous êtes comme moi bien moins sérieux que vous voulez bien le dire, tout aussi pervertis, les uns plus intelligents, les autres moins. On le sait bien, direz-vous, il est bon de le dire encore, sans cesse, toujours. Comme les inondations, la morale nous écrase, étouffe la liberté, en haine de fraternité. Morale du cul, morale religieuse, morale patriotique, morale du soldat, du gendarme, le devoir en l'exercice de ses fonctions, le code militaire, Dreyfusard ou non Dreyfusard. la morale de Drummond, de Déroulède, la morale de l'instruction publique, de la censure, la morale esthétique, du critique assurément, la morale de la magistrature, etc. Mon recueil n'y changera rien, mais ça soulage. 20 janvier 1903.